Douimane. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Moins de la moitié des prisonniers concernés par la grâce présidentielle récemment décrétée ont été libérés. De quoi inquiéter le coordinateur national de l'association de lutte contre le chômage et la torture à Luchoto. L'association Soi Burundi a bénéficié de la part du programme de développement des États-Unis, USAID, d'une enveloppe de plus de 6 millions de dollars américains pour la mise en exécution de son projet More Activity de lutte contre les violences basées sur le genre. Dans ce journal, on revient aussi sur la montée des prix des denrées alimentaires sur les marchés de Gitega. L'actualité internationale, en République démocratique du Congo, le jeune Congolais de Goma, Floribert Bwana Chui Bin Kositi, assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans, sera bientôt béatifié. Le décret reconnaissant son martyr a été publié ce lundi 25 novembre par le chef de l'Église catholique. Et dans la chronique sur les messages de haine, l'expert en communication, Dr Claude Witsure, nous donnera des éclairages sur les discours destinés à manipuler la vérité, la langue de bois. En somme, voilà pour le sommaire. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité continuent d'augmenter au marché central de Gitega, et cela depuis environ un mois. Par exemple, un régime de bananes qui coûtait 15 000 francs coûte actuellement 25 000 francs burundais. Un kilo de haricots communément appelé kinure qui coûtait 3 000 le kilo coûte maintenant 3 500 francs burundais. Les commerçants des vivres expliquent cette hausse des prix par le fait que les prix des autres marchandises ont aussi augmenté. Les acheteurs, quant à eux, réclament la régulation de ces prix par l'autorité habilitée. De Gitega, Gérard Nibigira. Le commerçant de vivres du marché central de Gitega contacté indique que les prix des denrées alimentaires ont augmenté depuis environ un mois, et cela suite à la hausse des prix des autres marchandises causée essentiellement par le manque de devises. Ainsi, par exemple, un kilo de haricots communément appelé kinure coûte actuellement 3 500 francs boulot kilo, alors qu'antérieurement il coûtait 3 000 francs boulot kilo. Quant au haricot appelé muhoro, il coûte maintenant 5 000 francs boulot kilo, alors qu'antérieurement il coûtait 4 000 francs boulot. Quant au régime de bananes qui coûtait 15 000 francs boulot antérieurement, actuellement il coûte 25 000 francs boulot. Et un régime de bananes qui coûtait 10 000 francs boulot coûte maintenant 15 000 francs boulot. Et un kilo de farine de manioc ordinaire coûte actuellement 1 300 francs boulot kilo au lieu de 1 000 francs d'il y a environ un mois. Et un kilo de pommes de terre, communément appelée kijumbu, se vend à un prix variant de 3 000 à 3 200 francs boulot kilo au moment où antérieurement il se vendait à un prix variant de 2 500 francs à 2 600 francs boulot kilo. La pomme de terre, communément appelée kajondi, coûte actuellement 2 500 francs boulot kilo, alors qu'antérieurement il coûtait 2 000 francs le kilo. Cela étant, les commerçants de vivres font savoir que ces prix continueront à augmenter du moment que la récolte des différentes denrées alimentaires n'est pas proche et le prix 10 dollars américains continue à augmenter. Cependant, quelques rares denrées comme le soja voient son prix chuter dans la mesure où il coûte maintenant 4 700 francs boulot kilo, alors qu'il y a environ un mois, il coûtait 6 500 francs boulot kilo. De leur côté, les acheteurs ne réclament que tout soit fait pour arriver à la baisse des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Depuis Gitega, Jean Nibigira pour la radio Isanganiro. Merci Gérard Nibigira. Agriculture à présent, encourager les cultivateurs à utiliser les fertilisants organominéraux, étendre les cultures dans d'autres régions du pays pour augmenter la production. Voilà quelques-unes des propositions faites par les participants à un atelier de dissémination du rapport de diagnostic dans les secteurs café, thé, sucre et engrais, organisé par la Société financière internationale. Son représentant régional, Malik Fall, a montré qu'au Burundi, l'acidité des sols empêche l'accroissement de la production agricole. On l'écoute. Le secteur fait face à des défis multiples qui empêchent l'accroissement de la production et qui ne donnent pas une incentive aux acteurs pour produire plus et mieux. Des problématiques de l'acidité des sols, par exemple, qui réduisent les rendements et donc la productivité, l'accès au marché et les problématiques qui sont d'ordre logistique. Nous avons différents acteurs qui ont des intérêts qui sont parfois divergents et à partir de là, coordonner les actions des différents acteurs, l'État, les secteurs privés et également les bailleurs de fonds pour qu'ensemble on puisse intervenir de façon coordonnée. Donc ce que nous essayons de voir, c'est comment on peut créer les conditions pour qu'on puisse produire plus et que cette production apporte plus d'argent aux acteurs de la filière. À partir de là, je pense que le Burundi gagnera à pouvoir produire du thé et du café de qualité, à les transformer sur place pour accroître la valeur ajoutée sur place et pouvoir rémunérer de façon beaucoup plus importante les acteurs, y compris les producteurs qui aujourd'hui ne reçoivent qu'une partie très marginale des revenus de ce secteur. L'idée, c'est de savoir dans quelle mesure on peut pouvoir contribuer à augmenter leur part dans le revenu dans la chaîne de valeur. Plus de 6 millions de dollars américains ont été octroyés par le programme de développement américain USAID à l'association SOA Burundi pour la mise en exécution de leur projet Moray Activity. Ce dernier vise à lutter contre les violences basées sur le genre, comme l'a annoncé la représentante légale suppléante de la dite association au cours du lancement officiel de ce projet qui sera exécuté dans 6 provinces. La directrice générale au sein du ministère de la Santé de la lutte contre le sida a signalé que les violences basées sur le genre sont parmi les défis de l'éradication du VIH-Sida pour laquelle le gouvernement s'est fixé l'objectif de 2030. Abraham Safari. Ce projet dénommé Moray Activity, qui sera mis en exécution par l'association qui lutte contre le VIH-Sida, SOA Burundi, est financé par les États-Unis d'Amérique, comme l'a précisé Madame Spescaritas Bichoboye, représentante suppléante de cette association. Celle-ci a précisé également que le projet se fera dans 6 provinces, à savoir Bujumbura, Makamba, Kirundo, Rumonge, Gitega et mairie de Bujumbura. Il s'étendra sur une période de 5 ans, depuis cette année 2024 jusqu'en 2029, et l'objectif est de lutter contre les violences basées sur le genre qui se commettent au sein de la communauté. Quant au gouverneur de la province de Kirundo, colonel de police Victor Segasago, il a d'abord salué les activités réalisées par USAID à Kirundo dans le secteur de développement. Il a ensuite remercié l'association SOA Burundi pour son travail de lutte contre les violences basées sur le genre et reste optimiste que le projet prendra fin avec un changement de mentalité au sein de la communauté en rapport avec la lutte contre les violences basées sur le genre. Et quant à l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique au Burundi, le projet Moray Activity est financé sous l'enveloppe de 6 035 000 dollars américains. Le lancement de ce projet a-t-il continué coïncide avec le début des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre dans l'objectif d'améliorer la lutte contre les VBG. Quant à Madame Cléophine Akindavi, directrice générale au ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, après avoir salué les activités des États-Unis d'Amérique au Burundi dans le secteur de santé, elle a précisé que l'éradication du sida jusqu'en 2030, comme s'est fixé le gouvernement du Burundi, rencontre plusieurs défis, entre autres les violences sexuelles qui s'observent encore au sein de la communauté. Tout cela a été dit ce mardi lors du lancement officiel du projet Moray Activity qui s'est déroulé au centre de santé de Kirundo. Depuis Kirundo, Abraham Safari pour la radio Isanganiro. L'association de lutte contre le chômage et la torture à Lushoto constate de la lenteur dans la mise en exécution de la grâce présidentielle. Alors que tous les détenus bénéficiaires de cette mesure devraient avoir quitté leur maison de détention ce jeudi, le coordinateur national de cette ONG affirme que sur les 5442 prisonniers concernés, seuls 1955 sont libres. Autre anomalie relevée par Vianney Ndayisaba, le traitement différent des personnes impliquées dans un même dossier. Nous avons relevé quelques défis qui ont fait que ce travail soit mal exécuté. Nous avons constaté qu'il y a des prisonniers qui ont été graciés mais qui n'ont pas été relâchés parce que, soi-disant, qu'ils n'ont pas de dossier. À d'autres, on a demandé de donner les noms des administratifs de leur ressort. Il y a des dossiers amenés par le bureau juridique qui présentaient des signes et ces dossiers étaient écartés lors de l'appel. Dans notre ONG qui milite pour la défense des droits de l'homme à Lushoto, nous pensons que cela est suspect, car si une personne est sur la liste de ceux qui vont être relâchés, cette dernière est parmi ceux qui vont être graciés. Comment est-ce qu'elle peut être écartée? Comment cela peut être changé alors qu'une commission mise en place par le président a analysé cela? Il y a un autre cas que nous avons relevé dans Al-Shoto. Il y a des cas où deux personnes peuvent partager un dossier et l'un des deux bénéficie de la grâce présidentielle. 8 personnes sont venues se prendre auprès de nous. Tu comprends qu'il y a des irrégularités qui s'observent. On a vu que le chef de l'État a gracié plus de 5 000 et que seuls 1955 ont été relâchés. C'est-à-dire que c'est moins de 2 000 personnes. Nous demandons que les ordres du président soient respectés. Captez Isanganiro, écoutez la différence. En actualité du football international, la formation espagnole FC Barcelone a battu ce mardi l'équipe Stade Brestois de France par 3-0 lors des matchs comptant pour la 5e journée du championnat européen de la Ligue des Champions. L'autre formation française qui a joué hier est le Paris Saint-Germain qui s'est incliné par 1-0 face à l'équipe Bayern de Munich d'Allemagne. Ce mercredi, plusieurs rencontres sont au rendez-vous. Le match le plus attendu par les amateurs du ballon rond opposera la formation britannique de Liverpool qui accueillera le tenant du titre Real Madrid d'Espagne, privé de 6 joueurs blessés, y compris l'attaquant brésilien Vinicius Junior, Jean-Marie Vianney, Guindacouman. Lors des matchs comptant pour cette 5e journée de la compétition européenne de la Ligue des Champions, la formation Sparta Prague de la République tchèque s'est inclinée devant les spectateurs 6-0 face à Atlético Madrid d'Espagne. L'autre rencontre qui a encaissé le score fleuve est celle qui a opposé l'équipe à Atalanta Bergame d'Italie qui a corrigé la formation Young Boys de Suisse sur un score de 6-1. La formation britannique d'Arsenal a bâti le club Sporting de Portugal 5-1 au moment où l'équipe Bayern Leverkusen d'Allemagne a corrigé Strasbourg d'Autriche sur un score de 5-0. Manchester City d'Espagne sur son stade Etihad Stadium a égalisé 3-0 avec l'équipe Feyenoord de Pays-Bas. FC Barcelone d'Espagne a bâti Stade Brest de France 3-0. Le match qui était attendu par les amateurs du ballon rond a opposé la formation Bayern Munich d'Allemagne qui a bâti Paris Saint-Germain de France 1-0. Plusieurs rencontres sont au rendez-vous le soir de ce mercredi. À 19h45, la formation étoile rouge de la Serbie va croiser le fer avec l'équipe Stuttgart d'Allemagne. À 22h, FC Bologne d'Italie accueillera la formation française de Lille au moment où AS Monaco qui évolue dans le championnat de la première division en France va jouer contre Benfica Lisbonne de Portugal. La formation Aston Villa d'Angleterre devant les spectateurs va croiser le fer avec Juventus de Turin d'Italie. Le match le plus attendu ce soir par les amateurs du ballon rond sera livré au stade Anfield de Liverpool d'Angleterre qui sera visité par le tenant du titre Real Madrid d'Espagne. La formation Real Madrid va jouer son match en absence de 6 joueurs de club blessés, à savoir Dani Carvajal, Rodrigo, Aurier Tchouameni, David Alba, Eder Militao et l'attaquant brésilien Vinicius Junior. Ces équipes se sont affrontées 2 fois dans la finale de cette compétition de la Ligue des Champions et c'est la formation Real Madrid qui a été vainqueur. Actualité internationale. Le jeune Congolais Floribert Bouana Tchui Bin Kositi sera bientôt béatifié. Assassiné en 2007 à l'âge de 26 ans, c'est à Goma dans l'est de la RDC qu'il est né en 1981. C'est là aussi que ce jeune officier de contrôle des douanes a été assassiné en 2007 après avoir refusé d'acheminer des denrées alimentaires avariées. Dans le décret publié lundi 25 novembre, le chef de l'Église catholique reconnaît son martyr et qu'il a été tué en haine de la foi selon l'expression consacrée. Pour le pape François, Floribert Bouana Tchui est un exemple qui peut inspirer la jeunesse. La béatification prochaine du jeune laïc de Goma devrait avoir lieu l'année prochaine, durant l'année jubilaire, une année qui sera inaugurée la veille de Noël au Vatican par le pape François. Et au Ghana, il reste un peu moins de 2 semaines avant les élections générales qui décideront le 7 décembre du successeur de Nana Akufo-Addo. Arrivé au bout de ses 2 mandats, des élections à fort enjeu, terreau propice à la propagation de fausses informations. C'est pour combattre ce fléau que pour la première fois de l'histoire du Ghana, 3 organismes de fact-checking ghanéens ont décidé de s'allier et de former une coalition pour aider à garantir l'intégrité de l'élection. Fact-Check Ghana, Dubawa et Ghana Fact espèrent ainsi prévenir la propagation virale de fausses nouvelles et donc empêcher les éventuelles violences qui peuvent en découler. En 2020, 8 personnes ont été tuées lors d'affrontements le jour de l'élection. Et l'opposition sud-africaine menace de destituer le président Ramaphosa. En effet, les combattants de la liberté économique et le mouvement pour la transformation de l'Afrique continuent de demander des comptes au président Ramaphosa, insistant sur la nécessité de l'ouverture d'une enquête approfondie dans l'affaire Fala Fala, datant de juin 2022. La Haute Cour de justice avait promis de rouvrir le dossier concernant ce vol de plus d'un demi-million de dollars dans la ferme du président sud-africain ce mois de novembre. Cependant, la Cour constitutionnelle prend généralement plusieurs semaines, voire des mois, pour rendre sa décision. Malgré cela, Julius Malema et ses partisans restent déterminés. Parle, rassure-moi. La langue de bois contourne les sujets sensibles et ne répond pas aux questions posées. D'après Dr Claude Witsouré, expert en communication, elle renferme des discours destinés à manipuler la vérité, comme le témoignent certains habitants de la colline Gattari dans la zone commune Guissosi. Cet expert en communication interpelle l'IDR à éviter ce genre de discours puisqu'ils engendrent des doutes et de la méfiance. Cette chronique parle, rassure-moi, est signée Ornella Mucho. Certains habitants de la colline Gattari, en zone commune Guissosi de la province Mwaro, indiquent qu'ils ont quelquefois entendu des discours avec de la langue de bois où les politiciens ou administratifs ne tiennent pas leurs promesses ou abordent des sujets simples plutôt que des questions importantes et surtout contournent des sujets sensibles sans répondre aux questions posées. Ces habitants donnent l'exemple de ceux qui affirment que la production alimentaire est abondante au Burundi. Par exemple, certaines associations qui appuient dans le secteur de l'agriculture pourraient demander à notre chef culinaire la situation de la récolte et celui-ci confirme que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Vous comprenez que cet administratif aurait utilisé le langage de bois et comme conséquence, les bienfaiteurs ou les associations qui pourraient appuyer pour disponibiliser par exemple les engrais ne le feront pas suite à la déformation de la vérité. Il y a des discours que j'ai déjà entendus de vérité tronquée, comme quoi toute la population burundaise est rassasiée, alors que nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Ces habitants de la zone Guissosi trouvent que ce genre de discours a de graves conséquences, car pour eux, c'est comme remuer le couteau dans la plaie. Lorsqu'il a déformé la vérité, la conséquence est que cette autorité perd la crédibilité vis-à-vis des citoyens. Personne ne lui fera confiance. Ce genre de discours n'est pas du tout rassembleur. Il engendre la démotivation chez certains et chez d'autres l'appréciation. Vous savez qu'il y a des gens qui sont toujours du côté des mauvaises personnes. Vous comprenez que 2 groupes sont déjà créés, ceux qui sont pour et d'autres qui sont contre. Et par là, des divisions peuvent naître jusqu'à provoquer des tensions, des conflits et même des tueries. Chez nous, on n'a pas encore assisté à des cas pareils, mais j'ai déjà entendu là où cela s'est produit. Le chef de zone Guissosi, Pierre Claver Kabanyemo, reconnaît lui aussi que le discours de la langue de bois joue un rôle négatif dans la perception des discours politiques par les citoyens, car il engendre de la méfiance. Même avis chez l'expert en communication, Dr Claude Bitsouré, dont il tient à souligner que le discours de la langue de bois a un impact négatif sur la vie sociale, notamment la perte de la crédibilité de l'autorité. Les discours peuvent avoir un impact sur la vie sociale, notamment les citoyens qui peuvent violer la loi sciemment ou qui peuvent donc refuser de suivre les injonctions de l'autorité puisqu'ils n'ont plus confiance en lui. Il y a les citoyens aussi qui sont le plus souvent découragés, puisqu'il y a des promesses toujours non tenues. Il peut y avoir aussi une autre conséquence comme l'immigration forcée des citoyens, puisque le message au quotidien ne répond jamais à leurs préoccupations. Cet expert trouve que ce genre de discours doit être banni à travers les sensibilisations et formations à l'endroit de plusieurs groupes, notamment les hommes et les femmes politiques, sans oublier d'impliquer les jeunes, lesquels sont souvent manipulés par les acteurs politiques. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.